Merci d'être avec nous dans ce journal dont voici le sommaire. Les sites de Marandia, Sobel et Kinigna 2 sont en train d'être réhabilités pour accueillir et déplacer des inondations prévisibles et des espaces où relocaliser les sinistrés de la Toumba sont déjà identifiés. Vous entendrez les précisions du président de la plateforme nationale de prévention des risques et de gestion des catastrophes. Le ministère de l'Intérieur suspend l'octroi des frais de paquet-retour à ce qu'il appelle les migrants économiques. 515 rapatriés en provenance de la République démocratique du Congo sont arrivés au camp de transit de Kagwema en commune Guianga de la province Bubanza sans ces frais. Les agriculteurs en province Kayanza s'inquiètent de la hausse du prix d'un kilogramme de maïs hybride dit PAN 53. Pendant ce temps, en province Cibitoke, c'est la hausse des prix des engrais qui fait grincer les dents. Voilà pour le sommaire. La plateforme nationale de prévention des risques et de gestion des catastrophes est en train de réhabiliter les sites de Marandia, Sobel et Kinigna 2 pour mieux accueillir les déplacés suite aux inondations prévisibles et consécutives aux fortes précipitations récemment annoncées par l'Institut géographique du Burundi, IGBO en sigle. Le président de cette plateforme indique également que des espaces où relocaliser les sinistrés de Gatumba sont déjà identifiés. L'on n'attend que les orientations du Premier ministre. Et pour faire face au changement climatique, cette plateforme est en train d'encadrer les autorités administratives et la population. Suivez plutôt les précisions du général de brigade de police Anissé Nibaruta au micro d'Evariste Nzikobanyanga. Nous sommes en train de travailler avec OIM, la Croix-Rouge et d'autres partenaires pour réhabiliter les sites de transit de Marandia, Sobel et de Kinigna 2 parce que ce sont des sites qui contiennent des déplacés climatiques et nous allons réhabiliter ces sites pour nous préparer à accueillir les gens qui seraient obligés de quitter leur zone d'origine. La Toumba, comme l'a annoncé IGBO, c'est une autre partie du pays qui sera tout menacé suite à ces précipitations où on est avec le dossier de déplacer cette population en destination d'ailleurs. L'IGBO, quand il a annoncé les fortes précipitations, il les a localisées géographiquement. Et Gatumba se trouve dans la région naturelle de Limbo et cette partie aura de fortes précipitations comme je l'avais dit. Nous, on est en train de nous préparer parce qu'on a déjà eu un terrain qui pourrait accueillir les déplacés climatiques de Gatumba et d'ailleurs dans des régions environnantes. Il s'agit de 10 hectares qu'on a dans la commune Mubimbi de la province Bujumbura. Nous avons aussi 5 hectares dans la commune de Kabezi, nous avons aussi 5 hectares à Rumonge. S'il advient qu'on doit déplacer des gens, nous sommes à Rèvre, nous avons des sites qui pourraient accueillir ces gens. Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, a organisé une réunion de cinq ministres qui sont impliqués dans la gestion des situations d'urgence. Il s'agit du ministre de l'Intérieur, le ministre de la Solidarité nationale, le ministre de l'Environnement, le ministre des Infrastructures et celui des Finances. Et ensemble, ils ont mis en place une commission technique qui était chargée d'identifier les zones à plus haut risque d'inondation à Gatumba. Cette équipe était aussi chargée d'identifier les infrastructures publiques et privées qui sont menacées par des inondations dans cette zone, pendant les instructions et orientations de la primature pour savoir à quoi nous en tenir par rapport à la gestion de ces personnes. Mais s'il s'annonce encore des fortes précipitations, des inondations qui sont liées à ces précipitations, nous allons déplacer ces personnes pour les mettre à l'abri de ces inondations et nous allons les fournir des assistances humanitaires. À la plateforme nationale, nous avons déjà donné des messages de préparation et nous conseillons à la population de faire le curage des canaux d'évacuation des eaux de ruissellement pour éviter les inondations. Et nous conseillons l'administration d'encadrer les communautés pour ce travail et nous conseillons aussi l'administration d'être prêt à la population pour qu'il y ait aménagement, pour qu'il y ait amélioration des conditions d'hygiène et d'assainissement parce que les maladies d'eau main sale seraient évitées dans cette situation. Le général de brigade de police Anissé Nibaruta, il est président de la plateforme nationale de prévention des risques et de gestion des catastrophes. Les frais de paquet retour qui sont normalement destinés aux rapatriés ne vont plus être donnés aux migrants économiques. C'est dans le but de décourager les mouvements des habitants de la plaine frontalière avec la République démocratique du Congo qui se font souvent passer comme des rapatriés alors qu'ils ne le sont pas. C'est une décision prise par le ministre de l'Intérieur. C'était ce vendredi au centre de transit de Kagwema en commune Gihanga où 515 rapatriés sont rentrés chez eux sans ces frais. Spes Caritas Kavanyana. Les habitants de la plaine de Limbo, surtout ceux de la province de Cibitoke et Gihanga, qui font souvent des mouvements migratoires vers le Congo à la recherche de l'emploi ou autre chose, ne vont plus bénéficier des frais de paquet retour équivalent à $200 par personne quand ils se font enregistrer comme réfugiés. C'est une décision prise par le ministre de l'Intérieur ce vendredi au site de transit de Kagwema en province de Bouanza, où 518 personnes ont été rapatriées au cours de cette semaine. Martin Niteletse, ministre de l'Intérieur, a expliqué que ces personnes ne font que du business. On avait eu des échos disant qu'il y a un mouvement anormal des Burundais, surtout de la plaine de Limbo, pratiquement la province de Cibitoke, qui se rendent généralement à la République démocratique du Congo, non pas pour des questions de refuge ou d'asile, mais principalement pour questions de migrants économiques généralement, ou migrants du travail. Même les témoignages qu'ils nous ont faits, ils ont témoigné disant que certains étaient partis parce qu'ils avaient des conflits familiaux et ils avaient aussi des conflits liés à la terre et aussi des conflits notamment ceux qui avaient emprunté de l'argent qui a été difficile de rembourser. Le ministre de l'Intérieur a donc pris la décision d'arrêter l'octroi des frais de paquet retour équivalent à $200 par personne. On a pris la décision de ne plus les donner de frais retour. Pourquoi ? Parce que on donne un paquet retour d'à peu près l'équivalent de $200 par tête. Et les enfants, et les parents, et les adultes, et les jeunes. Nous avons constaté qu'effectivement, ce paquet retour constitue un dérangement par rapport à la population de la plaine de Limbo, parce qu'ils ont l'engouement de voir de l'argent sans fournir aucun effort. Ce qui est malheureux, c'est qu'ils partent au Congo avec des enfants. Ces rapatriés ont été embarqués dans des bus de l'Otraco, visiblement dans la colère totale, à destination de leurs communes respectives. Saskaritas Kavanyana au site de transit de Kagwema pour la radio Isanganiro. Merci Spes. Le gouvernement burundais devrait stabiliser sa monnaie pour mettre fin à des hausses intempestives des produits pétroliers. En point de vue du président du parti Codebou, Kefane Bizi rappelle que depuis 2020, la hausse du prix est de 80%. Il estime que l'État devrait se passer de certains impôts et taxes pour soulager la souffrance de la population. Suivez-le. Au niveau du parti Codebou, nous suivons de près l'évolution des prix du carburant parce que l'augmentation du prix du carburant influence la vie quotidienne de la population et car elle occasionne la montée des prix des denrées de première nécessité. La façon dont on augmente les prix du carburant est inquiétante parce que quand le carburant diminue de prix à l'international, on ne diminue pas au Burundi, mais quand le prix augmente, ici on augmente. Et quand on observe depuis au moins 3 ans, le carburant a déjà monté de prix à hauteur de plus de 85%. Et nous estimons que la seule cause n'est pas uniquement la montée des prix à l'international, il y aurait aussi l'augmentation des taxes ici au Burundi, mais aussi l'inflation des fois augmente le prix d'importation. Comme solution, dans un premier état, il faudra essayer de diminuer les taxes qui sont imposées sur le carburant afin de soulager la vie de la population. Mais aussi, il faudra penser à mettre en place un fonds stratégique qui pourrait faire à ce que lorsque les prix du carburant fluctuent à l'international, ne se répercutent pas directement ici au Burundi. Mais la solution la plus durable, c'est d'essayer de stabiliser la monnaie burundaise pour que le coût d'importation à monnaie locale ne soit pas toujours élevé suite à cette inflation, parce que nous avons vu que la fois passée, car le taux de change du dollar a augmenté, on a également augmenté le prix du carburant, et ce qui était logique parce que l'importation du carburant à monnaie locale était augmentée. Le président du parti Codebout, Kefa Nevisi. 39 pagnes sans vignette de l'Office burundais des recettes ont été saisies par la police au marché de Gitaza, commune Muhuta de la province Rumonge, ce mercredi. Des sources policières à Rumonge indiquent que ces pagnes ainsi que 28 autres récemment saisies dans cette même commune ont été remis à l'Office burundais des recettes et ne seront remis aux propriétaires qu'après dédouanement. Les agriculteurs en province Kayanza s'inquiètent de la hausse du prix d'un kilogramme de maïs hybride, 10,53 au marché de Kayanza, où en l'espace d'une semaine seulement, ce prix est passé de 10 à 16 000 francs burundais. Ils demandent aux services habilités de trouver solution à ce problème. Adalain Niyonsaba, directeur provincial du bureau en charge de la protection de l'environnement, agriculture et élevage, indique que les semences ne sont pas encore disponibles. Patrick Saint-Guillaume. Certains de ces agriculteurs contactés quand nous les avons trouvés au marché de Kayanza à la recherche de semences et de maïs hybride, ils nous ont fait savoir qu'ils ne voient pas comment ils s'aimeront leurs champs avec le prix d'un kilogramme qui est cher à 16 000 le kilo. Ils indiquent que le même kilo de maïs hybride et 10 pannes 53 se vendait à 10 000 au début de cette semaine en cours et la semaine passée aussi. D'autres agriculteurs à Kayanza précisent que du fait qu'ils ne sont pas à mesure de s'acheter des semences, ils préfèrent donner leurs propriétés foncières à ceux qui sont capables de les semer avec la condition de partage de la récolte. Les agriculteurs en province Kayanza déplorent que c'est la période de semis qui est en cours, alors que les semences sélectionnées du maïs ne sont pas encore disponibles. Ils demandent aux services habilités de les retrouver des semences afin que les activités agricoles de la saison culturelle A puissent bien se faire. Interrogé à ce sujet, Adeline Niyonsaba, directeur provincial du bureau en charge de la protection de l'environnement agricole et élevage à Kayanza, celui-ci nous a fait savoir que ces semences de maïs ne sont pas encore disponible au hangar de stockage du BPA Kayanza, mais tranquillise les agriculteurs que le ministère de tutelle promet trouver solution au problème dans un proche avenir. Le directeur provincial de l'environnement agriculture et l'élevage à Kayanza déplore le comportement de certains commerçants spéculateurs qui profitent de ce retard des semences du maïs pour hausser le prix comme ils veulent. Mais mes propos avec Kenacho Amazenesto, le représentant à Kayanza de la société burundaise de production et de distribution des intrants agricoles, Soboprodien en sigle. Celui-ci dit qu'il est inconcevable qu'un commerçant qui s'est approvisionné en semences de maïs à la Soboprodia à 10 000 francs le kilo vend son même produit à 16 000. Il demande aux commerçants spéculateurs de se ressaisir. Depuis Kayanza, Patrick Kessengu va pour la radio Isanganiro. Merci Patrick. Des agriculteurs de la province de Chivitoke disent avoir mal accueilli l'augmentation des prix des engrais. Ils expliquent avoir déjà payé l'avance dans les banques et craignent de perdre cet argent. Ces agriculteurs qui se sont entretenus avec la radio-télévision Isanganiro ce vendredi auraient voulu qu'ils soient associés et ainsi être informés à temps sur cette hausse. Ils demandent au ministère de l'Agriculture de baisser ses prix. Suivez ce micro-trottoir de Jackson Vati. Un habitat de la petite classe, il ne peut rien changer. Le champ, les prix de tous les produits ont été revus à la hausse. Nous reprenons ainsi, à moins que l'État se ressaisisse et diminue les prix. Là alors, on pourra l'apprécier positivement. De mon côté, avec cette hausse des prix des engrais, nous voyons qu'ils ont beaucoup augmenté alors que d'autres produits sont chers. Ça devient très difficile pour nous de nous procurer de ces engrais et nos champs en souffriront. Cette mesure, nous ne l'avons pas bien accueillie. Ça nous a surpris. Il arrive qu'on ait payé l'avance pour l'engrais, sachant qu'on payerait conformément au prix que l'État avait fixé. Mais quand ça change, ça devient un problème. La production n'est plus celle que l'on attendait avec de nouveaux prix. Ces hausses sont vraiment insupportables pour un agriculteur qui espérait une certaine quantité de production. Il n'en a pas suite au prix de l'engrais et le climat qui change. Ce qui peut être fait pour un agriculteur, c'est de diminuer les prix de l'engrais. On était habitué à payer Imbola à 29 000, Totaza à 26 000, sans avantage, mais cette récente hausse nous met mal à l'aise. Car certains ont payé les avances, ils attendaient l'engrais. Maintenant, nous ne savons pas ce que nous allons faire. Si on a prévu de l'argent avec ces anciens prix, ça demande que l'on ajoute encore de l'argent. Certains vont même perdre ces avances. Que les concernés ramènent ces prix à des prix supportables pour que nous autres soyons rassurés, qu'ils ne regardent pas leurs intérêts, mais le développement pour nous tous. Que le président de la République s'y penche, ces prix ont été fortement revus à la hausse. C'est dans tout le pays qu'il diminue franchement ces prix afin que la population soit soulagée. C'est sur ce micro-trottoir de notre correspondant à Cibitoke, Jackson Nebahati, que nous bouclons ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi.